An de grâce 1211. Le roi Jean, excommunié, multiplie pillages et forfaitures et prépare une infamie pour se venger du pape Innocent III. En apprenant son funeste dessein, le comte de Huntingdon demande à Guillaume Ducel de l'aider à lui faire obstacle. Chevauchée, bataille, traîtrise, guet-apens, l'expédition multiplie les périls et surprises. Le destin de la chrétienté que Guillaume a entre les mains va-t-il basculer ? Cordoue 1211 de Jean Daillon. La suite des aventures de Guillaume Ducel, un roman publié aux éditions Robert Laffont. Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le cours de l'histoire en pleine semaine de la francophonie. Le cours de l'histoire s'intéresse au patois et au dialecte. Le français s'est-il débarrassé de ses accents ? Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Nous parlons le français, mais comment le parlons-nous ? Avec ou sans accent ? Et qu'en est-il des patois ? En 1849, Alfred Duméril propose un dictionnaire du patois normand. Dans son introduction, il écrit « La philologie n'est plus cette science de pédant qui disséquait les mots et dissertait sur les particules. Elle retrouve dans les idiomes la généalogie des peuples et projette des clartés nouvelles dans la philosophie de l'histoire. » Là, mais v'là-t-y pas un beau programme, ça, Boudiou ? Philippe Blanchet, bonjour. Bonjour. Le Normand que je suis m'amusait du patois qui a souvent été vu d'un regard un peu parisien et supérieur où il est question de philologie, de recherche et puis comme une réalité de terrain, Boudiou, voilà-t-y pas un beau patois. Quel est ce regard porté sur le patois ? Comment s'est-il construit ? Peut-être avec une forme de mépris ? Oui, le terme lui-même d'ailleurs est un terme qui a été élaboré et diffusé pour rabaisser les langues en question, parce que il n'y a pas de différence entre ce qu'on appelle une langue ou un patois, tout est langue. Simplement, certaines langues ont été rabaissées à ce qu'on disait en général du statut du patois, c'est-à-dire un idiome grossier parlé par des gens dans les campagnes à usage d'un petit village et qui serait incompréhensible dans le village d'à côté. Donc effectivement, c'est un regard extrêmement méprisant, mais qui n'est pas que du mépris, qui est aussi un projet politique. C'est une façon de convaincre les gens que leur langue ne valait rien pour qu'ils adoptent le français à la place. C'est une véritable histoire que vous allez nous raconter, Philippe Blanchet. Vous êtes professeur de sociolinguistique à l'université Rennes 2. Vous êtes spécialiste notamment de la langue provençale, ce qui ne nous conduit pas à Rennes 2 en soi, et votre accent non plus, mais ce qui fait plaisir parce que nous traversons la France. Justement, je suis très heureux de vous avoir parce que vous allez pouvoir nous donner ces définitions nécessaires. Et vous nous avez dit patois, langue, il y a des traits communs. En fait, comment distingue-t-on ces trois mots compliqués ? Patois, dialecte et langue. Alors, qu'est-ce qu'un patois ? Ça dépend si vous observez un usage, disons, technique ou scientifique d'une part, ou les usages de la vie ordinaire d'autre part. Dans les usages techniques et scientifiques, patois est un terme qui n'est pas utilisé, sauf pour faire allusion aux mots qu'emploient les gens quand ils parlent de leur langue ou des langues des autres, mais on parle en général uniquement de langue. Dans certains courants d'études des langues, on va utiliser le mot dialecte avec une signification particulière qui veut dire une variété locale d'une langue. De ce point de vue-là, le français que je parle serait un dialecte du français. Dans la vie ordinaire, ces trois termes servent à établir une hiérarchie qui est strictement politique et idéologique, avec l'idée que certaines langues seraient des vraies langues de statut plein et entier, comme le français en France par exemple. D'autres seraient plus ou moins des langues, mais pas tout à fait, mais quand même elles s'écrivent, quand même elles ont un peu de littérature, etc. Dans ce cas-là, on les appellerait des dialectes, et d'autres seraient pas du tout des langues, et seraient tout en bas de l'échelle sociolinguistique. Ça serait uniquement utilisé à l'oral et avec une fonction exclusivement de communication de proximité, et ça serait des patois. Donc dans l'usage ordinaire, c'est trois termes servent à construire une hiérarchie arbitraire, bien sûr, mais une hiérarchie entre différentes langues. Et puis, dans cette idée que nous parlons en France le français, évidemment, il faut porter un regard sur l'histoire et sur un temps très long. Historiquement, Philippe Blanchet, la France est un pays plurilingue, même aujourd'hui encore, on peut le dire. Oui, bien sûr, c'est même probablement le pays historiquement le plus plurilingue d'Europe, ce qui s'explique par sa position à la fois tout à l'ouest, au nord et au sud de l'Europe en même temps, donc avec un regroupement de populations historiquement très diverses, hein, avec des langues celtiques à l'ouest comme le breton, germanique au nord et à l'est, le basque au sud-ouest, puis des langues romanes, différentes selon qu'on est dans la, pour faire court et simple, dans la moitié nord ou dans la moitié sud. Donc effectivement, c'est un pays qui à l'origine est très plurilingue. Il faut pas oublier que le royaume de France est construit jusqu'à la Révolution française comme un assemblage de pays très divers qui ont des statuts, des cultures, des histoires, des langues très diverses. Il y a même toute une série de provinces qui sont réputées étrangères. C'est cette mosaïque là qui constitue la France, y compris linguistiquement, et qui la constitue toujours parce que certaines de ces langues ont été fortement, enfin leurs usages en tout cas, ont été fortement réduits suite à la politique linguistique de l'État français progressivement depuis la Révolution, mais une bonne partie d'entre elles sont encore relativement utilisées, y compris au quotidien, on estime par à peu près 10% de la population dans les régions concernées en moyenne, et puis il faut pas oublier évidemment l'outre-mer, qui la partie en tout cas qui est restée française, où les langues dites régionales, même si là-bas le terme est un peu plus curieux encore, sont les langues principales de la vie encore aujourd'hui. Aujourd'hui on vit en créole à la Martinique ou à la Réunion, et en langue kanak, en Nouvelle-Calédonie kanaki par exemple. Parlons provençal, langue et culture, ça c'est votre ouvrage Philippe Blanchet pour le provençal, mais aujourd'hui dans le cours de l'histoire, nous nous intéressons à la langue française, avec cette pleine conscience que la France est un pays plurilingue, il y a plusieurs langues, mais ce qui nous intéresse particulièrement c'est le français et l'évolution de la manière de le prononcer. Est-ce que le bon français est parisien ou alors vient-il des Pays de la Loire ? Les provinciaux ont deux langues à leur disposition, celle du cru, le patois, et la langue commune à tous les Français, le français enfin. Quelqu'un m'a assuré que c'est en Touraine que l'on parle la langue la plus pure. C'est vrai qu'il en fut ainsi, mais une telle affirmation est en retard d'un peu plus de 3 siècles. Alors ? Eh bien, aujourd'hui, le bon français se rencontre dans toutes les provinces, et même sur les lèvres, et encore mieux dans les écrits, des plus purs indigènes. Mais d'où vient-il ? Où est la norme, si ce n'est plus la Touraine ? Paris, parbleu ! Je puis même vous assurer que c'est Paris qui a donné sa langue à la France, la plus grande partie de notre vocabulaire et les règles de notre syntaxe. Depuis quand ? Depuis que la Touraine a perdu son prestige linguistique, c'est-à-dire depuis le début du XVIIe siècle. Et j'ajoute que Paris y travaillait lui-même déjà bien avant. Ah bah non, ce ne sont pas les Pays de la Loire, c'est la Touraine, c'est pas loin, mais c'est pas la même chose. C'est l'émission Heure de culture française en 1947 qui évoquait les langues régionales et la langue française. Philippe Blanchet, c'est presque un poncif de chercher le français le plus pur. Quel regard portez-vous sur cette question ? Alors d'abord, l'idée même de chercher de la pureté quelque part idéologiquement est quelque chose qui est particulièrement suspect, parce que ça voudrait dire qu'il y aurait des langues et donc des gens qui les parlent qui seraient marqués de pureté et d'autres qui seraient marqués de quoi ? De contagion, d'infamie, de métissage, d'hybridité. On voit bien l'idéologie éventuellement cachée là derrière. Donc ça m'inspire d'abord ça, d'un point de vue linguistique, enfin d'un point de vue scientifique. Il n'y a pas de langue pure et de langue impure, ça n'existe pas. Ça c'est de la projection idéologique. Enfin, en écoutant l'entretien là, moi je riais doucement parce que pour moi c'est un document historique de discours idéologique sur la langue, clairement. Après, sur la question Paris-Touraine, enfin Paris-Val-de-Loire, en fin de compte, hein, c'est pour ça qu'il y a ces deux zones qui sont mentionnées. L'histoire est bien connue. Hein. Bon, il est clair que le français est une langue qui a été en grande partie surélaborée artificiellement par des grammairiens, par des écrivains, par l'Académie française quand elle est installée, pour en faire une langue de prestige et une langue de pouvoir. Mais sa base de départ, c'est bien sûr, et il le dit justement de ce point de vue-là, c'est la langue de Paris. Alors pas de n'importe quelle classe sociale à Paris, on a toute une série de témoignages historiques qui montrent que c'est la langue des classes supérieures parisiennes, qu'elles soient aristocratiques ou bourgeoises, qui a servi de base et de modèle à l'élaboration de ce français. Pourquoi la Touraine? Pourquoi le Val-de-Loire? Pour une raison très simple. D'une part, les variétés romanes issues du latin qui y sont parlées sont très proches des variétés qui ont émergé en Île-de-France. Donc, d'une certaine façon, ça, c'est à peu près la même langue. Et d'autre part, parce que vous le savez comme moi, historiquement, à partir du XVIe siècle, la cour du roi, qui a son centre à Paris, disons assez, pour le dire de façon un peu plaisante, a construit ses résidences secondaires le long de la vallée de la Loire. Et donc on pourrait dire happé dans l'orbite royale parisienne cette partie qui va d'Orléans à Tours ou à Angers. Alors il y a eu en plus la Pléiade à Angers bien sûr, mais il n'empêche que jusque dans les années 90 encore, des travaux montraient qu'il y avait ce qu'on appelle un français régional parlé en Touraine avec des mots locaux qui sont pas des mots du français standard. Oui, une vraie histoire du français qui nous conduit évidemment jusqu'à l'institution. Philippe Blanchet, vous avez cité l'Académie française, 1635, moment essentiel de notre histoire. L'Académie française a une volonté d'unifier la langue française. Nous ne sommes pas encore peut-être dans une idéologie absolue d'imposer cette langue-là sur l'ensemble du territoire. Non, pas encore. C'est en train d'arriver parce que même si en gros l'ancien régime s'est très peu soucié de politique linguistique et surtout d'unification linguistique, hein, il y a quand même surtout à partir du XVIIe siècle toute une série de décisions royales pour imposer l'usage du français dans les textes écrits dans certaines régions ou provinces rattachées à la France. À Dunkerque, en Alsace, par exemple, hein. C'est le moment où la fameuse ordonnance de Villers-Cotterêts commence à être interprétée comme imposant le français, ce qui était à coup sûr pas du tout son objectif un siècle plus tôt. Donc il y a un début, disons, d'installation d'une langue du pouvoir royal, mais sans que ça fasse obstacle à l'usage d'autres langues, notamment à l'oral et dans la vie quotidienne, où le français, enfin, on le sait bien, hein, jusqu'à la fin du XIXe siècle, est très très peu utilisé. Par contre, effectivement, il y a une volonté d'élaboration de la langue qui est confiée à l'Académie française, qui, je vous le rappelle, est au départ un organe de censure, hein, qui est un organe de censure littéraire et secondairement linguistique. Mais il faudra attendre à la Révolution française et le projet de construire une nation unifiée, c'est-à-dire dans leur esprit uniformisée, pour qu'il y ait une véritable politique linguistique d'obligation du français et de tentative, comme le disent les textes de l'époque, d'anéantissement ou d'éradication des autres langues de France. Eh bien, direction la Révolution française avec un texte de 1794 et pas n'importe lequel, c'est le rapport de l'abbé Grégoire sur la nécessité et les moyens d'anéantir les patois et d'universaliser la langue française. On peut assurer, sans exagération, qu'au moins 6 millions de Français, surtout dans les campagnes, ignorent la langue nationale. Qu'un nombre égal est à peu près incapable de soutenir une conversation suivie. Qu'en dernier résultat, le nombre de ceux qui la parlent n'excède pas 3 millions. Et probablement le nombre de ceux qui l'écrivent correctement encore moindre. Ainsi, avec 30 patois différents, nous sommes encore pour le langage à la tour de Babel, tandis que pour la liberté, nous formons l'avant-garde des nations. C'est surtout vers nos frontières que les dialectes, communs aux peuples de limites opposées, établissent avec nos ennemis des relations dangereuses. Tandis que dans l'étendue de la République, tant de jargons sont autant de barrières qui gênent les mouvements du commerce et atténuent les relations sociales. Par l'influence respective des mœurs sur le langage, du langage sur les mœurs, ils empêchent l'amalgame politique et d'un seul peuple en font 30. Marion Malenfant qui lisait un extrait de ce rapport de l'abbé Grégoire en 1794, incroyable ne serait-ce que par son titre, hein, sur la nécessité et les moyens d'anéantir les patois, d'universaliser la langue française. Il y a deux idées dans ce titre. Déjà, Philippe Blanchet, anéantir les patois, mais au sens très général en fait, c'est tout ce qui n'est pas français. Oui, c'est ça. Tout ce qui est une autre langue que le français, quelle que soit son éventuelle proximité avec le français, comme le picard ou le normand dont vous parliez tout à l'heure, et des langues extrêmement différentes comme l'alsacien, le basque ou le provençal. Et ensuite, on a un programme politique, universaliser la langue française. Ce programme-là est vraiment, il n'y a pas à dire, et vous l'avez déjà évoqué, idéologique. Oui, oui, clairement. Alors, c'est d'autant plus frappant d'entendre lire ce texte que il y a une espèce de renversement du raisonnement. Hein. L'abbé Grégoire pose qu'il y aurait déjà une nation française, un peuple français et une langue qu'on pourrait qualifier de nationale, et qu'il y aurait une grande partie de la population qui l'utiliserait pas, et que ça poserait des problèmes. Alors qu'en fait, au moment où ce texte est produit, 1794, il n'y a pas de peuple français, il n'y a pas de nation française, il n'y a pas de langue nationale. C'est un projet qui est en construction. Et la façon dont les choses sont dites révèle bien, au fond, les modalités qui vont être adoptées. C'est-à-dire que on affirme et donc on impose l'existence de quelque chose. Et le fait d'imposer est vraiment un terme important parce qu'il va y avoir une politique particulièrement autoritaire, qu'on peut même qualifier de despotique, qui va, dès cette époque-là, même si elle a pas beaucoup les moyens de ses ambitions, mais qui va en tout cas dans l'esprit, dans ce qu'on pourrait appeler l'idéologie de l'identité nationale, imposer une langue unique. Et c'est là que vous avez raison, il y a un double programme. Il n'y a pas seulement le programme de partager une langue entre tous les habitants de France, et un autre programme qui est les rendre monolingues en français. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas l'idée, qui était présente dans la première partie de la Révolution d'ailleurs, d'un pays qui serait bilingue ou trilingue, enfin ou, en tout cas de population qui parlerait par exemple provençal et français, breton et français, qui ait une langue commune et d'autres langues à côté. Là on est dans un projet politique où le français doit remplacer les langues qui sont les langues historiques, familiales, ordinaires, de la plus grande partie de la population. Puis après, il y a la réalité sur le terrain. Cette politique-là a du mal à se mettre en place. En fait, cette politique suit la chronologie de celle des grandes dates de l'école. Oui, c'est ça, absolument. Alors, ça a du mal à se mettre en place, et pourtant, les textes sont particulièrement coercitifs, on va dire, hein, puisqu'il y a en gros deux grands textes qui sont de politique linguistique qui sont produits à cette époque-là. Il y a notamment un texte, enfin, en deux temps, qui instaure l'école pour tout le monde et qui, dans un premier temps, dit que, ce qui sera repris par Jules Ferry plus tard, le français sera seul en usage à l'école, et c'est pas seulement dans la classe, c'est à l'école. Puis un deuxième texte un peu plus tard qui rajoute j'ai plus la formulation très précise en tête, mais en gros la langue du pays pourra être utilisée comme moyen auxiliaire. D'une part, ça va avoir effectivement beaucoup de mal à se mettre en place parce que il va falloir organiser le système éducatif et ça va prendre presque un siècle. Et d'autre part, il y a ce très célèbre texte de 1794 qui interdit l'utilisation d'une autre langue que le français pour tout acte administratif et même tout contrat, y compris sous sein privé, avec l'idée que tout officier d'état civil ou apparenté qui l'enregistrerait, par exemple un notaire, encourrait une peine extrêmement grave, puisque c'est une lourde peine de prison. Donc il y a quand même une volonté qui est très très forte, et effectivement, vous avez raison, ça va être très long à se mettre en place, parce qu'il faut se remettre dans le contexte. Hein. Comme le disait de façon très approximative le rapport qui a été lu, la partie de la population qui savait le français était extrêmement réduite. En fin de compte, c'était la population du bassin parisien élargi, plus des lettrés qui l'avaient appris pour l'écrire, comme ils apprenaient aussi, et surtout plutôt auparavant, le latin, mais jamais pour le parler. Il y a pas mal de témoignages historiques qui montrent que jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, même dans des grandes villes, prenons celle où je suis né, Marseille, on avait un mal fou à trouver quelques personnes qui soient capables de tenir une conversation en français. Donc voilà pourquoi évidemment c'est très difficile à mettre en œuvre, parce que ça se heurte à une réalité qui est le français est pas du tout connu, parlé par la plus grande partie de la population. Donc il va falloir du temps, et vous avez raison, l'école va être le moyen principal pour enseigner le français, et c'est très difficile à organiser, y compris parce qu'on ne trouve pas d'enseignants pour enseigner en français, tout simplement, à cette époque-là. Alors ça commence en fin de compte vraiment à partir de la loi Guizot 1833, si mes souvenirs sont bons, qui commence à organiser un peu l'instruction publique, et puis il faudra attendre la mise en place de l'école de Jules Ferry entre 1882 et 1886. Et puis à côté de l'école, il y a aussi cette réalité qu'est la famille. Attention, Philippe Blanchet, voici une grand-mère. Ah, attention, ça c'est ma grand-mère. Ça c'est la mamie, oui. Parce que moi, quand j'étais petit, c'est ma grand-mère qui m'élevait. Mes parents étaient instituteurs, ils n'avaient pas de bonne, parce que les instituteurs étaient mal payés, à l'époque. Alors, il avait fait des recommandations, il avait dit, attention, mamie, il faut lui parler français. Parce qu'il faut qu'il fasse des études, il faut qu'il devienne quelqu'un, ce petit. Si tu lui parles pas toi, on te l'enlève. Il avait gueulé, il avait dit, oui, à force de les faire des études, vous allez lui gonfler la tête, il attrapera la méningite. Oui, mais comme elle voulait me garder, elle me parlait français. Mais c'était pas trop long, parce que dès que c'était un peu long, vous voyez, elle manquait de vocabulaire, elle manquait de tournure, alors... Elle continuait en patois, mais en baissant la voix, pour que mes parents qui étaient à l'aise à 30 km, ils entendent pas. C'est pour ça que l'Occitan, moi, je l'ai appris comme on écoutait la radio de Londres, en baissant le son. Voilà, nous nous trouvions dans ce monde sublime de l'Occitan avec Jean-Pierre Chabrol, l'écrivain qui évoque le patois. Dites-nous, Philippe Blanchet, il y a aussi cet aspect... au-delà de tout ce qui est institution, de tout ce qui est décision, authentiquement lié à l'identité des gens avec ces langues, avec ces patois. Oui, là où les langues premières, pour ceux qui grandissent avec plusieurs, parce que ça existe aussi, mais en tout cas, parlons singulier pour faire simple, la langue première est quelque chose qui contribue à construire qui on est, aussi bien sur le plan de son rapport aux autres, de sa façon d'interagir, donc de se construire dans la relation aux autres, que sur le plan intimement psychologique. Il y a d'ailleurs des études, j'en ai lu encore récemment, qui montrent les traumatismes et les conséquences graves sur le plan psychologique et même psychiatrique de la contrainte qui empêche les gens d'utiliser leur langue première. Donc effectivement, ça sert à construire la personne. De la même façon, ça sert à l'insérer dans la vie sociale. C'est les langues qu'on utilise pour vivre avec les autres. Et donc ça joue un rôle absolument fondamental. D'ailleurs, ce rôle est à la fois reconnu sur le plan, des études qu'on fait sur comment les gens se construisent avec les langues et comment les sociétés se construisent avec les langues, mais qui est aussi reconnu par le droit. On sait très peu, trop peu en France surtout, pour les raisons idéologiques qu'on a déjà un peu évoquées, que la langue, notamment la langue première, fait partie des éléments qui constituent la personnalité, que le droit protège comme étant un droit fondamental. Tous les grands textes de protection des droits, des libertés fondamentales, des droits fondamentaux et de lutte contre les discriminations considèrent la langue, et c'est écrit tel que, textuellement, comme la couleur de la peau, les convictions religieuses, politiques, syndicales, etc., comme une caractéristique de la personne qu'on n'a pas le droit de l'empêcher d'exercer et qui constitue une discrimination si on l'utilise comme prétexte pour traiter cette personne différemment des autres personnes. Ce qui est au cœur de ces questions dans le cours de l'histoire sur France Culture, essayer de saisir comment le français a évolué au sens où comment a-t-il changé dans sa forme, par ses accents et puis par tout cet enrichissement des langues qui existent en France. Et justement, nous entendons avec tout ce que vous dites l'intérêt que le chercheur porte sur la langue. Eh bien, un intérêt qui, lui aussi, peut être daté avec notamment ces incroyables archives de la parole à la Bibliothèque nationale de France, et nous rejoignons Marion Dupont qui est partie écouter ses voix dans la bibliothèque. Pour se rendre aux archives de la parole, il faut voyager un peu. Dans le temps d'abord, car sous ce nom étrange, on trouve une collection d'enregistrements réalisés à la Belle Époque par le linguiste et philologue Ferdinand Bruno. Dans l'espace ensuite, car pour les visiter, il me faut traverser les éclats de voix qui résonnent sur le parvis de la Bibliothèque nationale de France, puis obéir docilement à l'accent synthétique de l'ascenseur. Me voilà au 17e étage, où je rencontre Pascal Corderex, responsable du service des documents sonores au sein du département audiovisuel. Autour de nous se dressent pêle-mêle un jukebox, un lecteur de Scopitone, un complet studio d'enregistrement et une étrange graveuse à contrepoids. Dans cette collection dite Charles Cros, il y a donc cet appareil, le premier à être utilisé à partir de 1911. Donc c'est un outil entièrement mécanique qu'on a devant nos yeux ici et devant lequel vont défiler à l'époque Guillaume Apollinaire, le capitaine Dreyfus, Maurice Barrès, etc. Toutes les célébrités de l'époque qui ont défilé devant cet appareil. Alors il n'y a pas de micro à l'époque, le micro apparaîtra dans les années 1925-1927. Et les locuteurs, comme on les dénomme, parlent devant un cornet acoustique, en fait. Donc il faut imaginer Apollinaire ou Dreyfus, la tête quasiment dans ce cornet acoustique, parce qu'il n'est pas très sensible, récitant un poème ou disant une partie de leur mémoire. Donc il y a environ 300 enregistrements qui ont été faits avec cet appareil entre 1911 et 1914, qui sont un petit peu les incunables du son en France à l'initiative de Ferdinand Bruno et avec le soutien d'Émile Pathé. Et alors, comment se déroule une séance d'enregistrement? Alors, lui contacte les locuteurs, mais ces locuteurs viennent absolument à la Sorbonne, tout simplement parce que cet appareil qu'on a devant nous est très peu transportable. Finalement, il fait 4 mètres de haut. Enfin bon, c'est quelque chose de peu transportable. Donc, il est installé à demeure dans cette petite pièce dédiée à la Sorbonne. Et on a plusieurs documents de l'époque qui témoignent de la venue ou d'artistes ou de poètes qui viennent enregistrer leur voix aux archives de la parole. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la peine. Guillaume Apollinaire. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont le demain, les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le fond de nos bras passent les éternels regards longs de silence. Donc là, on a un disque qui fait 35 cm de diamètre, qui était un des formats de l'époque, et qui pour autant n'offre que 2 minutes à peu près d'enregistrement par face. Et alors, par exemple, dans cet enregistrement d'Apollinaire, qu'est-ce qui pourrait nous interpeller pour nous, contemporains? La voix, je pense. C'est vrai que les voix sont toujours étonnantes. La voix d'Apollinaire et cette diction très particulière, assez chantante. Moi, je suis toujours frappé par la voix d'Alfred Dreyfus, parce qu'on a du mal à dégager une empathie envers lui, tellement il a une voix de militaire assez, je dirais pas cassante, mais très affirmée. Enfin, on n'est pas du tout dans le registre auquel on pourrait s'attendre de la victime qui a subi tellement de choses. Une belle journée de réparation pour la France et la République. Mon affaire était terminée. Le lieutenant-colonel Picard avait été réintégré dans l'armée avec le grade de général de brigade comme compensation des persécutions qu'il avait subies pour m'avoir défendu dès qu'il eut acquis la conviction de mon innocence. Et alors, comment ça se passe? Qui est-ce qu'il décide d'enregistrer? Comment est-ce qu'il fait son choix? Alors, le choix des locuteurs, il peut avoir différentes origines, différentes sources. Je pense qu'il y a le réseau de relations déjà de Bruno. Faut pas oublier, Bruno est un mandarin de la Sorbonne, c'est quelqu'un d'important. C'est aussi un républicain convaincu, qui gravite dans beaucoup de cénacles républicains. Enfin bon, c'est quelqu'un qui a un tissu de relations très, très important. Dreyfus, typiquement, Bruno a été un Dreyfusard de la première heure. Donc, il n'y a aucune surprise d'avoir Dreyfus venir enregistrer. Il y a eu beaucoup de poètes enregistrés entre 1911 et 1914. Il y a également beaucoup de patoisans qui ont été enregistrés à Paris, qui là, c'est assez amusant, viennent tous d'une caserne de militaires, ce sont tous des appelés du contingent. Donc on peut imaginer que Bruno était en cheville avec le commandant de la garnison, je ne sais pas trop quoi, parce que aussi bien des Corses que des Picards, que des Bretons qui font leur service militaire, qui était très long à l'époque, viennent tous de la même caserne, voilà. Autre source d'inspiration et d'enregistrement pour Bruno, ce sont des artisans parisiens, qui sont des enregistrements assez délicieux d'ailleurs. Et là, on retrouve centre d'intérêt de Ferdinand Bruno pour le travail manuel. Ferdinand Bruno faisait de l'ébénisterie, de la marqueterie, et on peut tout à fait imaginer que les tapissiers qu'il enregistre viennent de cet intérêt qu'il portait au travail manuel, au travail du bois notamment. Tiens, c'est ravi, comment ça va? Bien, mon petit Yadré, et vous? Ben, pas mal, mais je ne savais pas que vous aviez la médaille de 70. Mais comment, c'était mon droit, voyons. Ben, oui, mais c'est tellement drôle, on ne pense pas à tout ça. C'est tout à fait étonnant parce que ils ont à la fois cet accent très titi parisien, finalement, on dirait banlieusard aujourd'hui quasiment, mais c'est un peu péjoratif, dans tous les cas de titi parisien, mais avec une syntaxe, un vocabulaire qui sont absolument parfaits. Ils parlent beaucoup mieux que nous, le français, finalement. Et c'est très étonnant ce contraste entre cette voix assez particulière pour nous, pour nos oreilles aujourd'hui, qu'on n'entend plus guère, finalement, et cette diction d'un français absolument parfait. On ne voit rien du tout. Enfin, vous en avez vu. Ah oui, ceux qui ne voyaient rien, c'est ceux qui sont derrière, probablement. Et ceux qui sont devant, les voient. Et vous étiez devant, un petit peu, oui. Mais alors, vous avez été fait prisonnier, au moins. Ah, mais, le 28 octobre. Aïe, aïe, aïe, ça me fout. Enfin, je vois que vous ne l'avez pas volé, cette médaille. Non, je l'ai gagnée. Et, ben, et tant d'autres qui étaient avec moi, ils doivent l'avoir aussi. Ah, ben, tant mieux. Et alors cette initiative de Ferdinand Bruno, justement, pourquoi est-ce qu'elle intervient à ce moment-là? Pourquoi est-ce que tout d'un coup, on se dit qu'il va falloir commencer à fixer la parole et à l'enregistrer? À la fin du 19e siècle, faut se remettre un petit peu dans le contexte de l'époque, du spiritisme par exemple, du dialogue avec les morts. Et il y a beaucoup de littérature à la fin du 19e siècle qui voit l'enregistrement sonore comme une manière de poursuivre le dialogue avec les morts, finalement, d'aller au-delà de la mort. C'est pas du tout anecdotique, faut vraiment avoir ça en tête. Donc ça, c'est le premier point de contexte, je dirais. Je pense qu'il y a plusieurs phénomènes convergents, en fait. Il y a le, d'abord, on commence à s'intéresser à l'histoire du français. Et ça paraît paradoxal, mais c'est à l'époque quelque chose d'assez récent. Donc Ferdinand Bruno va obtenir une chaire d'histoire du français à la Sorbonne. Donc c'est un intérêt assez récent. Et intérêt encore plus récent et encore plus marginal à l'époque, on va s'intéresser au français parlé. Et c'est le cas notamment de Ferdinand Bruno, de quelques autres linguistes, mais qui sont vraiment une minorité à l'époque. On va s'intéresser au français parlé. Et pourquoi le français parlé? Parce que dans l'esprit de Bruno, le génie de la langue française s'exprime à travers la langue parlée et non pas à travers la langue écrite, cette transcription écrite qui pour lui est toujours une trahison de l'oral finalement. Et évidemment, si on se méfie de la transcription écrite, on va chercher un média, un support qui ne soit pas une transcription, et tout naturellement l'enregistrement sonore s'impose. L'idée de Ferdinand Bruno est de faire un atlas linguistique sonore des différents parlés, patois, dialectes de France. Alors l'idée, elle n'est pas complètement neutre, il faut bien la replacer aussi dans son contexte de la linguistique de l'époque. L'idée, c'est de voir ces dialectes, ces patois, comme des ancêtres du français. Donc la réalité est un peu plus compliquée que ça, mais dans cet idéal républicain qui est celui de Ferdinand Bruno, il faut absolument qu'on conserve une trace de ces parlers, de ces dialectes, de ces patois, parce que ce sont les ancêtres du, c'est notre origine linguistique, ce sont les ancêtres du français. Mais en même temps, l'ambivalence de Bruno, c'est de dire, ils vont disparaître. Et ils vont disparaître, ils vont s'effacer au profit du français, qui est l'outil de la démocratie, de la raison, etc. On a toujours quand même c'est un peu cette idéologie derrière, issue des Lumières, issue de la Révolution, où le français doit triompher parce que c'est la langue des Lumières, la langue du progrès. Et toujours est-il que Ferdinand Bruno va faire 3 enquêtes de terrain en 1912 dans les Ardennes, en 1913 dans le Berry et dans le Limousin. Et c'est vraiment à son initiative. Alors, pour l'enquête dans les Ardennes, en 1912, il est secondé par un de ses étudiants qui était un spécialiste des patois ardennais, des dialectes ardennais. C'est pas le cas pour le Limousin et le Berry, où là, il va plus enregistrer des chants folkloriques, des choses comme ça. On sent qu'il est un petit peu perdu méthodologiquement par rapport à l'enquête des Ardennes, et il enregistre ce qui est peut-être le plus facile à enregistrer. Allons, mon Twain, allons, ratez si peu, et va t'en prier les poissons dans la grange. enfin, dans l'un et l'autre cas, dans le cas des Ardennes, strictement linguistiquement parlant, et dans le cas du Limousin et du Berry, plus folkloriquement parlant, ce sont des témoignages uniques. Quand il va dans le Berry, c'est clairement, il le dit lui-même, sur les pas de George Sand. Et effectivement, il enregistre par exemple une Briolée aux bœufs, qui est un chant de conduite de troupeaux de bœufs, qu'a très bien décrit George Sand dans La Mare aux Diables. Donc on retrouve un peu cette correspondance entre l'univers fictionnel, un petit peu, même s'il est un petit peu ethnographique, de George Sand, et puis ce que va faire Bruno sur place en 1913. Avec sa forme luse. Allons, enfants, les peigner dans les bras, et puis chacun remplit bravement son rôle. Allons, les gars, les autres sur les épaules, s'accueillerait pas si tout le monde reste là. On a beaucoup parlé d'hommes politiques, de grands poètes, écrivains ou de locuteurs, artisans qui ont pu parler. Est-ce que Ferdinand Bruno et ses successeurs ont aussi enregistré des femmes ? Oui, pas majoritairement, mais oui. On est en train de faire un travail là justement pour en prenant appui sur le 8 mars. Autour de ces femmes enregistrées par à la fois Ferdinand Bruno, Jean Poirot un petit peu et Pernaud surtout. Ce n'est pas majoritaire, mais il y a quand même pour l'époque quelques enregistrements de femmes qui sont tout à fait intéressants. Bruno, par exemple, a enregistré une musicologue indienne, un personnage tout à fait intéressant à plusieurs titres. D'abord, c'est une femme musicologue en Inde en 1900, c'est absolument exceptionnel. Elle est de la minorité ourdou, donc de langue ourdou. Enfin voilà, c'est quelqu'un de tout à fait passionnant. Hubert Pernaud va enregistrer une suffragette, par exemple. Donc voilà, on a quelques témoignages, ils sont rares, effectivement, mais quand même très très intéressants. Alors il y a un virage assez radical, donc Hubert Pernaud part en 1931, et à partir de 1932, c'est un journaliste qui s'appelle Roger Devine qui va prendre la direction de l'institution. Et il va se recentrer sur le folklore français, mais vraiment le folklore dans une perception un petit peu 19e-iste, quand même, un petit peu l'image des folkloristes. Mais surtout, la direction de Roger Devine va être marquée par le fait qu'en 1938, à l'initiative de Jean Zay et du Front Populaire, va être créée la Phonothèque Nationale, qui va être en charge du dépôt légal du disque. Donc ça veut dire qu'à partir de cette date-là, on met en place, comme pour l'imprimer depuis bien avant, on met en place un dépôt légal du disque qui fait que chaque éditeur, producteur de disque va devoir en déposer un exemplaire à la Phonothèque Nationale. Et nous, aujourd'hui, nous vivons toujours sur cet héritage. C'est une pratique toujours actuelle, évidemment, avec aujourd'hui un grand passage du matériel, support, au dématérialisé. Qu'est-ce que ça change dans la mission le fait, cette introduction du dépôt légal à vos activités? C'est vraiment devenu le pivot central un petit peu de notre activité. Ça veut dire clairement que ces enquêtes de terrain qu'ont mené Bruno, qu'ont mené Pernaud, qu'ont mené Roger Devine également, nous ne les menons plus aujourd'hui, ce n'est plus notre mission. Maintenant, il y a une instance scientifique, le CNRS, il y a d'autres chercheurs, il y a des universités, donc c'est à eux de faire ce travail de collecte. Maintenant, c'est à nous, par contre, de conserver ces enregistrements, de les rendre diffusables, de les rendre consultables. Alors, ça peut être français, mais ça peut être tout à fait international aussi. Après, moi, je prends surtout les manques dans notre collection, c'est mon rôle, finalement. Qu'est-ce qui fait notre univers, aujourd'hui, sonore, quand on sort dans la rue, quand on prend le métro, qu'est-ce qu'on entend? Ça, c'est très absent de nos collections. C'est vraiment un travail sur lequel j'essaye de progresser, parce que c'est une dimension qui est à la fois une dimension patrimoniale, mais une dimension historique qui nous manque terriblement. D'accord, il y a un peu de friture sur la ligne avec l'au-delà. Mais peut-on vraiment mal vieillir quand on est rangé sur la même étagère que Snoop Dogg ? Vous en jugerez par vous-même, car les archives de la parole sont disponibles en ligne sur Gallica, la bibliothèque numérique de la BNF. Voilà, et Marion Dupont, vous allez retrouver votre belle voix, mais plus avec le son de la belle époque. Merci beaucoup de nous avoir présenté Ferdinand Bruno Marion. Et justement, bah, écoutez, nous vous retrouvons, vous, Philippe Blanchet. Mais alors là, c'est pas le même Ferdinand qui est à la technique à Flans Bleu Armorix, c'est Ferdinand Prévost, parce que vous nous parlez en duplex de Rennes. Et justement, en écho à ce que nous venons d'entendre sur les archives de la parole, il y a quelque chose qui vraiment est lié au patrimoine. Et il y a, j'ai l'impression, deux courants. Il y a celui de la politique, des langues régionales, des patois, et puis celui de l'enrichissement culturel du pays, de la nation. Oui, effectivement, cette question du patrimoine est d'ailleurs une question à double tranchant qui est éventuellement dangereuse, parce que l'une des façons de disqualifier les autres langues que le français en France, ça a consisté à les renvoyer au passé, à tenir un discours performatif qui consiste à dire que elles sont déjà finies, qu'on ne les parle plus ou presque plus. J'ai dans mes corpus de très nombreux textes qui disent ça, et qu'à la rigueur, tout ce qu'on peut encore en faire, c'est justement du patrimoine au sens finalement muséographique du terme. Ce qui est doublé par le fait de les renvoyer au monde rural. Et là, vous voyez, c'est très intéressant ce que faisait déjà Ferdinand Bruno. Hein. C'était pas d'aller dans les villes où pourtant ces langues étaient encore les langues de communication quotidienne au début du XXe siècle, dans beaucoup de cas, mais d'aller dans les campagnes. Et c'est une façon de les renvoyer à un monde rural qui, lui aussi, disparaissant, voilà, vous voyez, a un double effet de discours, disons, de renvoi vers un passé historique. Philippe, alors, oui, je vous écoute. Non, j'allais dire, Philippe Blanchet, vous êtes justement auteur de cet ouvrage « Discrimination » avec un S, « Combattre la glottophobie ». Mais qu'est-ce que la glottophobie ? Alors, glottophobie, c'est un terme que j'ai formé sur le modèle de xénophobie, par exemple, pour désigner le fait que des personnes subissent une discrimination, c'est-à-dire qu'elles soient traitées de façon différente des autres pour un motif inacceptable. Ce motif, ce prétexte, donc, étant un prétexte linguistique. Donc, les gens à qui on interdit d'utiliser leur propre langue, qu'on oblige d'en employer une autre, ou des gens dont on refuse la façon de parler le français, ce qui peut renvoyer à la prononciation à laquelle vous avez déjà fait allusion, ce qu'on appelle ordinairement les accents, pour les empêcher d'accéder à un emploi, à un diplôme, à une formation ou que sais-je encore. Et c'est un phénomène qui est structurant dans la société française, justement parce que pour imposer le français, on a empêché les gens d'exercer leur droit à utiliser leur langue première, y compris les enfants quand ils arrivaient à l'école. Et dans un deuxième temps, quand tout le monde a à peu près appris le français, c'est-à-dire autour des années 1930-1950 et qu'on a commencé à élever les enfants en français. Évidemment, on parlait le français avec des prononciations différentes et donc on a aussi mis en place une politique de rejet des accents, entre guillemets, avec des comportements qui aussi sont glottophobes, qui ont été bien documentés. Comme vous le savez, le système juridique est en train d'évoluer sur ce point-là pour que ces discriminations soient punies. Oui, parce qu'il y a un effet d'uniformisation de la manière de parler le français, et il est assez bien connu, mais la télévision est un élément majeur, le cinéma aussi. L'accent disparaît peu à peu, ce n'est pas une décision politique cette fois, si plus une pression sociale, qui peut-être est le fruit de décisions politiques précédentes. Oui, bien sûr, parce que cette pression sociale ne s'exerce pas de façon horizontale dans la société. Tous les groupes sociaux n'ont pas la même puissance pour exercer une pression. Et puis, il ne faut pas oublier que ça passe quand même aussi par une institution dont on a déjà beaucoup parlé, qui est l'école. Hein. À l'école, on a appris, vous comme moi probablement, on nous a fait croire, parce que c'est faux, scientifiquement en tout cas, c'est un discours idéologique, c'est un choix politique, qu'il y aurait des façons de parler le français qui seraient mauvaises, d'autres qui seraient bonnes. Dans le reportage, on entendait quelqu'un qui disait des gens qui avaient une syntaxe parfaite, qui parlaient parfaitement le français, comme s'il y avait... Enfin, on a érigé une certaine façon de parler le français en norme par rapport à d'autres façons, ce qui évidemment érige les gens dont c'est la langue en situation de pouvoir et de prestige par rapport à ceux qui parlent autrement. Puis... Donc, oui, ça produit effectivement en partie, mais partiellement seulement, hein, le fait que les gens se tournent vers cette norme. Il n'empêche qu'il y a encore aujourd'hui probablement au moins la moitié de la population de France métropolitaine qui parle français avec ce qu'on appelle un accent, c'est-à-dire une prononciation non standard. Sans compter, à côté de cela, tous ceux qui parlent une autre langue qui est complètement complémentaire avec le français. Vous avez évoqué, Philippe Blanchet, ce moment des années 1950 qui est une réflexion sur la langue, sur les langues régionales dans les écoles. Attention, débat. Tribune de Paris. Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour. Messieurs, la question que nous discutons ce soir est celle-ci. Faut-il enseigner dans les divers degrés de l'enseignement public les langues régionales? Voulez-vous que nous commencions par demander à M. Max Sor d'exposer le problème? Il convient d'indiquer d'abord la position de l'administration. La position de l'administration, c'était d'ignorer les langues locales jusqu'ici. C'était une sorte d'hostilité vis-à-vis des langues locales. Et pourquoi? Parce qu'il y a à cela une raison profonde. C'est que l'école, avant toute chose, a pour devoir d'enseigner la France, c'est-à-dire de créer l'unité spirituelle des Français. Nous pourrions maintenant demander à M. Pinvidic, dont le nom seul implique l'origine, ce qu'il pense de cette question. La vraie civilisation ne s'accommode pas de l'uniformité. Des cerveaux, ainsi que semblent rechercher et le prôner certaines idéologies monstrueuses. Une seule langue, une seule pensée, un seul moule, une seule misère nationale. Notre pays doit être riche de la diversité. Et c'est précisément parce que notre pays est riche de ses régions qu'il doit également être riche de ses diverses langues. Voilà, Monsieur Pinvidic, qui vient du Finistère. Philippe Blanchet, justement, ces débats des années 50, nous savons, a conduit à d'autres réflexions sur la langue, sur les langues régionales et la possibilité de les enseigner, ce qui est très très bien. Mais nous sentons bien que les débats sont toujours là et il est difficile, hein, encore aujourd'hui, de savoir ce qu'il en est du français par rapport à ces différentes manières de le parler et puis de parler autre chose. Oui, c'est-à-dire que... Deux siècles, c'est quand même suffisant pour construire une véritable pensée nationale. D'ailleurs, notre système éducatif s'appelle éducation nationale et pas éducation tout court. Et évidemment, de génération en génération, à force de mettre dans la tête des gens une certaine façon de penser l'unité nationale appuyée sur une unité qui est une uniformité ou une unicité linguistique, une bonne partie de la population a dans la tête l'idée que ça peut pas être autrement, hein, ce qui est classique. Des hégémonies politiques, hein. Même si on leur montre que la plupart des pays du monde sont des pays à usage plurilingue et que ça fonctionne très bien, les gens ont du mal à accepter cette idée-là. L'idée même en France, par exemple, que le fait de parler sa propre langue est un droit fondamental qu'on n'a absolument pas le droit auquel on n'a pas le droit de porter atteinte, est une idée que les gens ne connaissent pas, même si la France a ratifié des textes internationaux qui l'y obligent et que les gens n'appliquent pas. Effectivement, c'est toujours un débat. Moi, j'ai souvent cette formule un peu lapidaire, mais je dis ceci, en France, le despotisme linguistique est la règle et le respect des droits linguistiques reste un combat. Et c'est vrai que ce que vous avez entendu dans cette discussion des années 50, si je ne me trompe pas, c'est des discussions qu'on entend toujours encore. En ce moment, il y a un projet de loi sur les langues régionales à l'Assemblée nationale et au Sénat, et on entend les mêmes discours. On a un mal fou, et je le dis là, du point de vue de quelqu'un qui pense que, comme ça a été dit par Pinvidic, une société est forcément plurilingue et ça peut pas fonctionner autrement. On a un mal fou à faire comprendre ça aux gens, y compris les conséquences. Parce que ce que dit ce monsieur, l'autre monsieur dont j'ai oublié le nom, ce qu'il oublie, c'est que le français n'est pas une langue venue de nulle part qu'on imposerait à tout le monde de façon égale. Le français est la langue de certains qu'on impose aux autres. Et donc, on crée un système, au fond, qui est d'une grande inégalité, avec des sous-citoyens qui sont obligés par la langue des autres pour accéder à l'exercice de leurs droits et tout simplement de leur citoyenneté. Et que ce qui est demandé, y compris par M. Pinvidic, au fond, c'est simplement une égalité de traitement, que tout le monde ait le droit d'utiliser sa langue première, y compris quand c'est pas le français. Ce qui n'empêche pas d'avoir une langue commune à côté, mais encore faut-il penser la possibilité d'une société bilingue ou plurilingue, ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à penser en s'imaginant qu'une société normale, avec plein de guillemets, ça serait une société monolingue. Écoutez, c'est passionnant ce que vous nous dites, parce qu'effectivement, partout dans le monde et dans la plupart des pays, les gens parlent une, deux ou trois langues, et ce qui est tout à fait cohérent, facile et qui permet en plus d'apprendre plus facilement d'autres langues. C'est peut-être aussi ça notre problème pour apprendre les langues étrangères. Merci vivement. Absolument. Oui, non, mais c'est vrai, on parlera mieux anglais si on veut apprendre de l'anglais, si on parle déjà de langues. Merci Philippe Blanchet. Et je rappelle, hein, Discrimination, combattre la glottophobie, c'est votre ouvrage chez Lambert Lucas. Merci vivement à vous. On retrouve tout de suite Anaïs Kien avec son journal de l'histoire. Anaïs Quien, bonjour. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Dans le journal de l'Histoire, les archives sur les relations franco-algériennes qui sont toujours d'actualité. Après l'annonce de l'assouplissement des restrictions dans l'accès aux archives secrets défense par l'Élysée la semaine dernière, Patrice Bouvray, directeur de l'Observatoire des armements, signe une tribune dans les pages du quotidien Le Monde pour alerter sur le dossier des essais nucléaires qui pourraient échapper à l'ouverture annoncée des documents d'État sur les relations franco-algériennes. Si Emmanuel Macron a annoncé la facilitation de l'accès aux archives au-delà de la guerre d'Algérie et de la période coloniale jusqu'à l'année 70, ces mesures d'assouplissement ne règlent pas le problème de l'accès à ces documents qui bénéficient d'un verrou supplémentaire, selon Patrice Bouvray, un verrou qui limite l'accès aux informations sur les 17 essais nucléaires que la France a réalisés au Sahara entre 1960 et 1966, et bien sûr, sur leurs conséquences sanitaires et environnementales. Ce matin à 7h, un champignon comme celui-ci a marqué en plein cœur du Sahara l'accession de la France à la puissance atomique. Cela s'est passé au centre d'essai de Reagan, à quelques 1200 km au sud d'Alger et à 1000 km au sud-est de Casablanca. Pour Patrice Bouvray, ces archives nucléaires sont frappées d'une double peine. Les freins administratifs liés à l'application plus étroite des précautions en matière de sécurité, mais aussi à travers la loi de 2008 selon laquelle les archives publiques sont librement consultables au bout de 50 ans, excepté celles qui portent sur la fabrication ou la localisation d'armes nucléaires. Si cette mesure de sécurité élémentaire paraît évidente à première vue, elle interdit aussi d'explorer la question des irradiés, victimes de ces expériences françaises. Algériens, employés sur place, populations alentour et militaires appelés ou engagés et mobilisés sur les sites sahariens. Des essais nucléaires aux retombées toxiques et des mesures de prévention inexistantes après la restitution des sites à l'État algérien en 1967. Le matériel contaminé avait simplement été enterré sous quelques mètres de sable. Un dossier qui pèse lourd dans les relations algériennes, avec une négligence française admise et le malaise d'un État algérien qui avait concédé dans les accords d'Évian, qui mettaient fin à la colonisation française en 1962, l'usage des sites nucléaires du Sahara pour une période de 5 ans. Dans sa tribune, Patrice Bouvray ne demande pas à avoir accès aux secrets de conception des armes nucléaires développés à l'époque par la France, mais aux documents qui donneraient de précieuses informations sur les retombées de ces essais indispensables aux victimes et à leurs proches pour faire valoir leurs droits à réparation. Un travail d'histoire indispensable sur les relations franco-algériennes post-coloniales, impossible à mettre en œuvre à ce jour sans modifier la loi de 2008. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Elig avec aujourd'hui à la technique Nicolas Delmas, une émission préparée par Marion Dupont, Anne-Toscane Viudès, Odile Jouessel, Juliette Corbel-Vivas et Maïwen Guizhou, à écouter, podcaster sur le site franceculture.fr et sur la superbe appli Radio France. Demain, le Canada quand le français est une langue de résistance.